Get recording. Sorry, Kevin. No, I'll tell you to give me one, thank you. So we're going to be studying the book of John, as I said. Donc on va étudier le livre de Jean, comme je l'ai dit. John wrote five books in the New Testament. Jean a écrit cinq livres dans le Nouveau Testament. John was one of the original 12 disciples of Jesus. Il était un des 12 apôtres de Jésus. And him and his brother James were known as the sons of thunder. Et lui et son frère Jacques étaient connus comme les fils du tonnerre. Because they were angry and aggressive and wanted to fight all the time. Parce qu'ils étaient tout le temps en colère, tout le temps agressifs, ils voulaient se battre. And they wanted to take what was theirs and they didn't care what it took to take it. And they wanted to take what was theirs. Yes. Ils voulaient prendre tout ce qu'il y avait. But do you know, at the end of his life, what people called John? Mais savez-vous comment on appelait Jean à la fin de sa vie? John the Beloved. Jean the Beloved. Jean le bien-aimé. And the gospel that he wrote is called the Gospel of Love. Et l'évangile qu'il a écrit, c'est l'évangile de l'amour. In his writings, he mentions the word love more than almost anybody else. He mentions it 80 times. Il a écrit le mot amour dans ses écrits plus de 80 fois. Something changed inside of him. Quelque chose a changé en lui. He went from being the son of thunder, angry all the time, to full of love and grace. Quelque chose a vraiment changé en lui puisqu'il est devenu le fils du tonnerre à Jean le bien-aimé. Do you know what happened? Vous savez ce qui s'est passé? He met Jesus. Il a rencontré Jésus. And he believed in Jesus. Il a cru en Jésus. And it changed everything. Et ça a tout changé. And that's the first lesson for all of us. Et ça, c'est la première leçon à tirer pour nous-mêmes. And if we surrender to Jesus, si nous soumettons à Jésus, he can change anything in your life. Il peut changer n'importe quoi dans votre vie. That is making your relationships difficult. Qui peut rendre votre relation difficile. Those character things inside of you that are not so nice. Toutes ces choses en vous qui ne sont pas très belles. If you surrender to him, God can change you like he changed me. He's changing me and changed John. Si vous vous soumettez, il peut vous changer comme il m'a changé, comme il me change encore et comme il a changé Jean. What was John's objective for writing this book? Quel était l'objectif de Jean d'écrivant ce livre? He says so in John chapter 20. Il a dit dans le chapitre 20. Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que, par cette foi, vous ayez la vie en son nom. The objective is that you believe. Donc l'objectif, c'est que vous croyez. Not that you just know in your head. Pas que vous sachiez seulement dans votre tête. But that you believe and it changes your life and your behavior. Mais que vous croyez et que ça change votre vie et vos habitudes. Knowing about Jesus and believing in Jesus are two completely different things. Connaître Jésus et croire à Jésus sont deux choses complètement différentes. So let's start with John chapter 1 verse 1. Commençons avec Jean 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. In the beginning. Au commencement. This Gospel of John is different to Matthew, Mark and Luke. Au commencement, cet évangile de Jean est différent des trois autres. Because all the other Gospels focus mostly on the life of Jesus while he was on earth. Parce que les trois autres évangiles se concentrent sur la vie de Jésus quand il était sur terre. That's why they're called the synoptic gospels. On appelle ça les évangiles synoptiques. Because they give you a synopsis of the life of Jesus. Parce qu'ils vous donnent un synopsis, un résumé de la vie de Jésus. The gospel of John is different. Et l'évangile de Jean, c'est différent. John goes back to the very beginning. Jean commence vraiment au tout début. Do you know in the gospel of John, it doesn't mention anything about the birth of Jesus? Dans l'évangile de Jean, il n'y a rien sur la naissance de Jésus. Nothing about his baptism. Rien sur son baptême. Nothing about his transfiguration on the mountain. Rien sur sa transfiguration sur la montagne. None of his parables. Rien sur ses paraboles. None of his travels. Rien sur ses voyages. What it does is it gives, what he does is he gives us a supernatural, cosmic, enormous view of who Jesus is. Ce qu'il nous donne, c'est une vision cosmique, supernaturelle de qui est Jésus. The Gospel of John is a heavenly look at the life of Christ. L'évangile de Jean est une vision céleste de la vie de Jésus. And what he says is to understand Jesus, you have to go back to the beginning. Et ce qu'il dit, c'est que pour comprendre Jésus, il faut commencer au commencement. Right at the beginning. Ou vraiment au tout début. At creation. À la création. And this phrase that he uses is exactly the same phrase that we see in Genesis chapter 1. Et cette phrase qu'il utilise est exactement la même qu'il y a dans Genèse chapitre 1. Where the Bible speaks of the creation of the world, it says in the beginning. Quand la Genèse parle de la création du monde au commencement. So John is taking you there. Jean nous invite là. And so what happened there? What happened in the beginning? Et qu'est-ce qui se passe au commencement? What happened in the beginning is God spoke and creation obeyed. Là, il y a eu donc la parole et la création est arrivée. He spoke 10 times and creation listened to the words of God. Il a parlé 10 fois et la création a écouté la parole de Dieu. And so John is saying in the beginning when the world was created was the word, was Jesus. Au commencement quand il y a eu la création, il y avait la parole, Jésus. Jesus was there in the very beginning with God. Jésus était là au tout début, au commencement avec Dieu. We get to see the identity of Jesus. On voit l'identité de Jésus. That he is supernatural. Il est supernaturel. That he is eternal. Il est éternel. That he was there in the beginning. Il était là au tout début. In actual fact, that he was outside of time because he was the one who created time. En fait, il était en dehors du temps puisque c'est lui qui a créé le temps. And John mentions this word in the beginning was the word. And he mentions it 3 times without explanation. Au commencement était la parole, c'est ce qu'il dit 3 fois, sans explication supplémentaire. Why does he do this? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Because his audience would have known exactly what he was saying when he used this phrase. Parce que son auditoire comprenait exactement ce qu'il voulait dire quand il disait cette phrase. Because all through the Old Testament, the Torah, this phrase is used hundreds of times. Parce que dans la Torah, tout à travers la Torah, cette phrase est répétée des centaines de fois. And the word of the Lord to David was, and the word of the Lord to so and so, and the word to so and so. Et la parole de Dieu à tel ou tel à David, etc., est répétée des centaines de fois. And the word of the Lord came to this prophet. Et la parole de Dieu vient à ce prophète. Whenever the Jews would have heard this word, they would have known exactly this is a revelation from God. Les Juifs, en fait, comprenaient exactement ce que ça signifiait. And so what John is saying is that at the beginning, Jesus was the revelation of God. Ce qu'il dit, c'est que au commencement, Jésus était la révélation de Dieu. What are our words? What are your words? The words represent your thoughts. Que sont les paroles? Les paroles représentent vos pensées. Your desires. Vos désirs. Your identity. Votre identité. Now they stay who you are when they are inside your head. Ils restent ce qu'elles sont quand elles restent dans votre tête. But the minute they come out of your mouth, they are separate from you. Mais dès qu'elles sortent de votre bouche, elles se séparent de vous. They are still your words. C'est toujours vos propres. It's still your thoughts. C'est toujours votre pensée. It's still your ideas. Toujours vos idées. And if you're like me, talking to your wife, often it can be the wrong words and thoughts and ideas. Et si comme moi, quand vous parlez à votre femme, c'est souvent des mauvaises idées. Because I'm very bad at communicating my thoughts and my emotions. Parce que je suis très mauvais dans la façon de communiquer mes sentiments et mes pensées. Can I get a witness? No. The truth is, they're still your words, but they're separate from you. La vérité, c'est que ce sont toujours vos paroles, ce sont toujours vos mots, and mais so ils se séparent de vous. What John is trying to say is that the word is God, but he was also with God. Ce que Jean veut dire, c'est que c'est Dieu, mais c'est aussi avec Dieu. You see, we get his eternal nature that he was there in the beginning, before everything began. On voit sa nature éternelle puisqu'il était là au commencement. But then we also get to see his nature that he is God. Mais on voit aussi que il est Dieu. He's separate from God, but he is still God. Il est séparé de Dieu, mais il est lui-même Dieu. He's both. Il est les deux. And he's one. Mais il est unique. I'm going to explain that a little bit more as best I can later. Je vais essayer de vous expliquer ça le mieux possible un peu plus tard. But this changes everything if we really believe this. Mais ça change tout si on croit vraiment à ça. If we really believe that he is eternal and that he is God. Si on croit vraiment qu'il est éternel et qu'il est Dieu. And we look at him with this cosmic supernatural view. Et on regarde avec cette vision surnaturelle. It should put this life into perspective for you and I. Ça doit changer votre perspective de votre vie actuelle. Your insecurities, your challenges, your frustrations. Tout ce qui concerne votre sentiment d'insécurité, vos frustrations, vos défis. Your fears, vos peurs. Your success, vos succès. Your dreams, vos rêves. Your worries about our society, vos inquiétudes sur la société. If you really believe that Jesus was before it all and he is God, those things are not so big anymore. Si vraiment vous croyez que Jésus était là avant le commencement et qu'il est Dieu, cela change tout. He was there in the beginning. Il était là au début. He's here now with our challenges and our problems and our dreams and our hopes. Il est avec nous avec nos espoirs, nos défis. And he will be there long after our challenges and hopes and frustrations are gone. Et il sera toujours là même quand nos frustrations, nos défis et nos rêves seront terminés. If you really believe it, si vraiment vous y croyez, it gives you power over those things that are difficult for you in your life. Ça vous donnera un pouvoir incroyable sur tous les défis de votre vie. And then he carries on saying, all things were made through him, and without him was not anything made that was made. Tanya, would you mind just going to ask if the aircon's on in here? Because I am absolutely roasting. Non, mais tout est venu à l'existence par elle, tout est venu à l'existence sans elle. Yes. And without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. This reminds me of a passage in Hebrews. Ça me rappelle un passage dans Hébreu, which says the same thing. Long ago, at many times, in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, he has spoken to us by his Son, whom he appointed the heir of all things, through whom also he created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. And he upholds the universe by the word of his power. Après avoir autrefois à bien de reprises et de bien des manières parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un Fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutient tout par sa parole puissante. So, what John is doing again is he's making reference to in the beginning. Ce qu'il fait là, c'est qu'il fait toujours une référence au commencement. Because God spoke into the darkness and light came. Parce que Dieu a parlé aux ténèbres et la lumière est venue. But he's saying now Jesus is speaking into the world of darkness and sin and bringing his light. Et ce qu'il dit, c'est que Jésus parle au monde des ténèbres et la lumière est venue à travers lui. This world is terrible. Ce monde est vraiment terrible. Let's be honest. Soyons honnêtes. Tanya and I arrived at the parking here. Tania et moi, nous sommes arrivés au parking juste à côté. And every week we come, we've noticed more and more that there's broken glass from people breaking the windows, I'm assuming, and stealing things from people's cars in the parking lot. Et chaque week-end que nous venons, nous constatons qu'il y a de plus en plus de verres brisés qui proviennent des vitres cassées des voitures, ou probablement on a volé des choses. And we can go, oh my word, what is happening to Montpellier? Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe à Montpellier? I can tell you. Je peux vous le dire. We go, oh, what's happening to France? Qu'est-ce qui se passe en France? I can tell you. Je peux vous le dire. Oh, you know what's happening in Europe? Mais qu'est-ce qui se passe en Europe? Things are going so badly. Les choses se déroulent tellement mal. Well, I can tell you what it is. Je peux vous dire ce que c'est. Oh, in Africa, things are going very badly. Les choses se passent mal en Afrique. What's happened? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Let's not even start on America. Ne parlons même pas de ce qui se passe aux États-Unis. Everything's going wrong. I can tell you what's going wrong. Je peux vous dire ce qui se passe mal. I can tell you what the problem is. Je peux vous dire quel est le problème. It's the same problem that's existed since the beginning of humanity. C'est le même problème qu'il y a depuis le début de l'humanité. And it's the same problem that we have now. Et c'est le même problème que nous avons maintenant. It's just, it's not a problem that we like to speak about. Mais c'est un problème qu'on n'aime pas évoquer. You know what the problem is with the world? Vous savez le problème qui se passe dans le monde? The number one problem is with the world. Le numéro un. It's me. C'est moi. And my sin. Mes péchés. It's not everybody else. C'est pas les autres. We always like to blame everybody else for what's going wrong in the world. On aime toujours blâmer les autres pour tout ce qui se passe de mal dans le monde. We don't look inside and say, what about me? What about my sin? Mais qu'en est-il de mes péchés, de moi-même? What is wrong with the world? I am wrong with the world. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Je suis mauvais pour le monde. I am what is wrong with the world. Je suis la cause. Je suis ce qui est mal pour le monde. It is sin that is causing all the problem of the world. C'est le péché qui cause tous les problèmes du monde. Which is the darkness. Qui est les ténèbres. And the light wants to come in. Et la lumière veut y pénétrer. And that's what Jesus did when he came to earth as a human. He came as light in the darkness. C'est ce qui s'est passé quand Jésus est venu sur terre. Il a fait jaillir la lumière des ténèbres. And this life. Et cette vie. This life that refers to, the Greek word is zoe. Qui se réfère au mot grec zoé. It refers to all life. C'est la référence à toute forme de vie. Biological life, physical life, spiritual life, emotional life, all life. Toutes les formes de vie, spirituelles, biologiques, etc. And he says, this Jesus, this word, he is the light and the life of the world. Et ce Jésus dit qu'il est la vérité et la lumière du monde. Jesus is working now to make creation new again. Jésus travaille, son œuvre, c'est de faire un renouveau de la création. The world was created and sin entered. The world was created and sin came into the world. Le monde a été créé et le péché est apparu. And Jesus has come to take creation back to the glory that God wanted it to be. Et Jésus est arrivé pour rendre sa nature première à la création pure que Dieu voulait. And our salvation, when we surrender to Jesus, is creation taken to its highest, most wonderful level. Et notre salut que nous obtenons, c'est le it's creation taken to its highest, best level. C'est la création dans sa forme la plus achevée. And then verse 6, it carries on. It says, there was a man sent from God whose name was John, and he came as a witness. About the light, that all might believe through him. He was not the light, but came to bear witness about the light. Survint un homme envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vient comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. It's very important that we speak about this. C'est très important que nous parlions de ça. Because even at the time that this was written, just after the life of Jesus, juste à la fin de la vie de Jésus, au moment où ça a été écrit, many people thought that John the Baptizer was actually the Messiah and Jesus was one of his disciples. Beaucoup de personnes pensaient que Jean le Baptiste était le Messie et que Jésus était un de ses disciples. And there are many things that we replace as the Messiah of our lives other than Jesus. Il y a tellement de choses dans nos vies que nous remplaçons et que nous prenons comme le Messie dans nos vies. When things are going badly, we change our diet, which is great. Quand les choses se passent mal, on change nos habitudes. Yeah, oui. Our Messiah can be our diet or our exercise or our money. Notre Messie peut être notre argent, nos activités physiques, nos régimes. I met somebody. No, it doesn't matter. It can be our Messiah can be in political exercise. I mean, political changing the political system. Okay, the world will be so much better if we just had a new president. Notre Messie peut se réveiller dans notre vision politique du monde en se disant que tout se passerait tellement mieux si on changeait de président. There is only one Messiah that can bring light into the world, and that is Jesus. Il n'y a qu'un seul Messie qui peut apporter la lumière dans notre monde, et c'est Jésus. The true light, which gives light to everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world was made through him. Yet the world did not know him. He came to his own, and his own people did not receive him. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain, qui est venue dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, et les siennes ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés, non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. And this is the place in the sermon where you have a choice to make. Et c'est le moment dans le sermon où vous avez un choix à faire. Just like they had a choice to make. Comme là. Are you going to reject this light of the world and stay in darkness? Est-ce que vous allez rester dans les ténèbres et rejeter la lumière? Or you are going to accept the light and the salvation of the world and walk in this beautiful new creation? Et, ou alors est-ce que vous allez accepter la lumière et du salut et rentrer dans ce nouveau monde? The darkness cannot extinguish the light if you accept Jesus as your savior. That's the only way. Si vous acceptez Jésus comme sauveur, les ténèbres ne peuvent pas éteindre la lumière. And you know what happens? You become a child of God. Et vous savez ce qui va se passer? Vous devenez enfant de Dieu. And then it says in verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. So, this is where the complication becomes in. The word who is eternal Jesus becomes flesh. Là, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est quand la parole devient chair. So does that mean when he becomes flesh, he is no longer God? Ce qui veut dire que du moment qu'il est devenu chair, il n'était plus vraiment Dieu. There are two different ways we can use the word become. Il y a deux façons de définir devenir. I can say, one day there was a woman who became president. Je peux dire, un jour, une femme est devenue présidente. Does that change the fact that she's a woman? Est-ce que ça change le fait qu'elle était une femme? No, it adds something onto her identity. Non, ça a ajouté quelque chose à son identité. When I was married, I became a husband. Quand j'étais marié, je suis devenu mari. I was still a brother and a son and a friend. I didn't stop becoming those things because I became a husband. Je n'ai pas cessé d'être un fils, un ami, un frère parce que je suis devenu mari. If I say there was a man who was a lawyer and then became a pastor. No, something realistic. There was a man who was a teacher and became a pastor. Et si je dis il y avait un homme qui était prof et qui est devenu pasteur, that becoming means that you change your identity. Ça signifie que vous avez changé votre identité. But this Jesus becoming the Word becoming flesh doesn't change his identity. Mais le fait de dire que Jésus s'est transformé en chair, ça n'a pas changé son identité. Still completely God. Il restait complètement Dieu. Like I can be completely a brother and completely a husband. Comme je peux être à 100% un frère et 100% un mari. And you can be 100% a woman and 100% president. Vous pouvez très bien être 100% une femme et 100% présidente. One day France will have a female president. Un jour, la France aura une femme présidente. Jesus was 100% God and 100% man. Jésus était 100% Dieu et 100% humain. And any question of this is heresy. Et tout questionnement à ce propos est une hérésie. I want to show you something beautiful in this passage. Et je vais vous montrer quelque chose de vraiment beau dans ce passage. This word, and he dwelt among us. Et ce mot habitait parmi nous. It literally, the Greek word here, dwelt, literally means to live in a tent or a tabernacle. Littéralement, à l'origine, c'est un mot grec qui signifie habiter dans une tente ou dans un tabernacle. So, in the beginning, we have a reference to the book of Genesis, the creation, which is the first book of the Bible. Au commencement, nous avons la référence dans Genèse qui est le début. Here, we have a reference to the second book of the Bible, which is Exodus. Et là, après, on a une seconde référence à l'Exode. Where God tells the Jews to build a tabernacle where he will live together with his people. où Dieu dit aux Juifs de construire un tabernacle où ils vivront ensemble. So when it says the word dwelt among them, quand il dit demeure parmi nous, they know that it's saying that the word came to life so that God can be again with his people. C'est que la parole est devenue vie pour que Dieu soit à nouveau avec son peuple. Jesus is the human tabernacle. Jésus, c'est le tabernacle humain. Jesus is the place where God and humans become one again. C'est la place où l'humanité et Dieu deviennent un. It is the place where the infinite becomes finite. C'est le lieu où l'infini devient fini. And where the eternal one enters time. Où l'éternité rentre dans le temps. He is Emmanuel, God with us. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. He knows us and he understands us. Il nous comprend, il nous connaît. And then I think it's another thing about John, but we can go over this. Let's go straight to verse 18. No, actually, I do want to just mention this. Here it mentions that the law was given through Moses, which was the scrolls that they had, where God told them what to do. Donc il dit car la loi a été donnée par Moïse. So they had the words of God, the wisdom of God written down. Donc c'est la parole de Dieu écrite. But what he's saying is that we didn't receive this through written down, we received this through a person. Donc il dit que cela a été reçu par quelqu'un. We don't receive God's instructions to us just through paper. We receive it through a person, and that person is Jesus. On ne reçoit pas les instructions de Dieu seulement par papier, mais aussi par quelqu'un. And then he finishes this passage by saying, no one has ever seen God, the only God. No one has ever seen God. The only God who is at the Father's side, he has made him known. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. If the Word, if God stayed cosmic and in eternity, there was no way that we could know Him. Si Dieu reste de façon surnaturelle, cosmique, il n'y a aucune façon, aucun moyen pour nous de le connaître. But God wants us to know Him, and He wants to know you. Mais Dieu veut vraiment qu'on le connaisse, et il veut vous connaître. He wants a relationship with you. Il veut une relation avec vous. And that's why there's this beautiful picture of a child at his father's side. I can picture a child sitting on his father's lap. C'est l'image de Dieu avec son fils sur ses genoux, à ses côtés. So you see, it's really close, but it's still separate. C'est très très proche, mais il y a quand même une séparation. That's the kind of relationship that God wants with you, a close, close, close relationship. C'est le genre de relation que Dieu veut avec vous, une relation très proche. You can have that relationship with God through Jesus. Et vous pouvez avoir cette relation à travers Jésus. So who is Jesus? Donc qui est Jésus? He is God. Il est Dieu. He is Emmanuel, God with us. Il est Emmanuel. He is a warning to us. Il est un avertissement pour nous. He is a guideline for us. Il est une ligne directrice pour nous. He gives us the direction of where we need to go. Il nous donne les directions vers lesquelles nous devons. And in the book of John, we learn so many things about who he is. Et dans le livre de Jean, nous apprenons tellement de choses sur qui il est. I'm going to read you some of the things. Je vais vous lire quelques petites choses. I want you to ask yourself, do I know this and do I believe it? Et je veux que vous vous demandiez, est-ce que je connais ça et est-ce que je le crois? He is the Messiah. Il est le Messie. He is the miracle worker. Il est le faiseur de miracles. He is the Lord of the temple. Il est le Seigneur du temple. He is the giver of life and the forgiver of sins. Il est le donneur de vie et celui qui pardonne les péchés. He raises from the dead. Il est ressuscité d'entre les morts. He is the king who rides on a donkey. The king who rides on a donkey. He rides on a donkey. Qui arrive sur un âne. He is a servant. Il est le serviteur. And he sends us his Holy Spirit. Et il répand l'Esprit Saint. He is the bread of life and the light of the world. Il est le souffle de la vie, la lumière du monde. He is the good shepherd. Il est le bon berger. And he is one with the Father. Et il est un avec le Père. He is the resurrection and the life. Il est la résurrection et la mort. He is the way, the truth and the life. Il est le chemin de la vérité et de l'amour. He is the true vine. Il est the true vine. What's a vine? Vigne. Vine. Il est la vigne véritable. La vigne véritable. He is the high priest who is praying for you and I right now. Il est le prêtre qui prie pour nous en ce moment. He was rejected and was the lamb to the slaughter. Il a été rejeté et l'agneau. He was condemned. Il a été condamné. But he makes all things new. Mais il rend toutes les choses nouvelles. He is patient with those who doubt. Il est patient avec ceux qui doutent. And he's food for the world. Et il est la nourriture du monde. And he's my king. Il est mon roi. I'm my king. So you can have all of this information. Donc vous avez toutes ces informations. Like you can have all the information you need in the world, but you can reject it if you wish. Vous pouvez très bien le rejeter si vous le souhaitez. But I ask you to believe. Mais je vais vous demander de croire. You are invited to know the Father. Vous êtes invité à connaître le Père. Through His Son. À travers son Fils. Who, together with the Holy Spirit, is the one God. Qui, avec le Saint-Esprit, est le Dieu unique. So I ask you to come and see. Donc je vous demander de venir et de voir. Come and see every week. Who is Jesus? Qui est Jésus? Venez voir tous les week-ends. And I'd like you to think about if you have any friends who need to know Jesus. Et j'aimerais que vous vous demandiez si vous avez des connaissances qui ont besoin de connaître Jésus. Will you invite them to come and see? Invitez-les pour qu'ils viennent et voir. And if you're not sure of the path that you need to take, He is the way. If you're struggling with decisions that you have to make in your life, seek Him, ask Him, look to Him. Si vous avez des difficultés dans votre vie à trouver le chemin, cherchez-le, tournez-vous vers lui. We're going to finish with a song. I know we've gone a bit over time, but we're going to finish with a song. On va terminer avec un chant. About God. Sur Dieu. And I want you to think about if you believe this. Et je veux vous demander si vous croyez à ça. Don't just sing them with your mouth, believe them in your heart. Ne faites pas que chanter avec votre bouche, mais chanter avec votre cœur. We're going to do that together and then afterwards we're going to pray for Jess. Nous prierons après ça. Yes. For Jess. Okay. So can I ask you to stand? Pouvez-vous lever, s'il vous plaît?